Dans le précédent épisode de ces balados, on parlait avec Fabienne Keller de la situation sanitaire actuelle et de ses conséquences économiques très concrètes pour nous, ici en France, mais également dans l'Europe, et peut-être plus généralement dans le monde et surtout peut-être dans ces pays où les inégalités sont plus grandes, je pense aux États-Unis, avec notamment New York, qui est la ville la plus touchée aujourd'hui dans le monde, New York qui concentre de manière emblématique ces inégalités. Alors le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé une distribution gratuite quotidienne de repas chauds pour tout le monde. They can get breakfast, lunch and dinner all to go, grab and go, and they can bring them home and eat them when they're ready. No one will be turned away. I want to really emphasize that. There's no charge and no one will be turned away. Des repas chauds, trois fois par jour, pour tout le monde, sans distinction, on ne demande pas la carte d'identité, il suffit de se présenter dans un des endroits de distribution, et des initiatives qui existent aussi déjà chez nous. Alors, dans nos villes, il y a énormément d'initiatives, disons les plus pauvres, pour qu'ils puissent manger, pour ceux dont le revenu a brutalement chuté, qui était modeste, avant que les enfants ne soient pas en difficulté. Donc, il y a de formidables initiatives. Par exemple, à Strasbourg, la fringale, les restos du cœur, les repas, donc ils ne sont pas pris sur place pour ne pas créer de concentration de personnes. Et ce sont des paniers repas. L'association L'Étage, qui est transformée et distribue plus de 250 repas à midi, un peu moins le soir, mais ont permis vraiment à des populations très fragiles de survivre. Il y a les vélos du cœur qui se sont créés en 15 jours et on peut sûrement faire mieux encore. Moi, je participe à une réunion hebdomadaire comme les autres responsables de groupe à Strasbourg où chacun apporte ses propositions. Et par exemple, cette proposition de panier aux familles les plus fragiles, je l'ai avancée à partir des expériences, par exemple, de la ville d'Angers. S'agissant de New York, il faut avoir conscience que la société américaine est une société plus clivée encore que la nôtre et où le nombre de pauvres est encore plus élevé. Le nombre de gens qui vivent de petits boulots totalement informels, donc non déclarés, aussi. Et donc ces personnes ont vu leurs revenus totalement disparaître. Ouais, s'arrêter net. Donc cette très grande pauvreté est aggravée en fait. Voilà, des inégalités qui sont déjà criantes en temps normal aux États-Unis, mais qui le sont plus encore dans la situation actuelle aujourd'hui. Eh bien, on va aller à New York, à la rencontre de Catherine, qui est new-yorkaise et qui vit dans le Queens. Yeah. Hi. How are you doing in New York City? I'm good, hanging in there. You're good. How are you doing? I'm good too. Thank you. During this time of great uncertainty, do you mind if we speak French? No, not at all. Alors, Catherine, tu vis à New York. Tu connais bien cette ville, évidemment. La situation est très difficile, comme ailleurs dans le monde, mais peut-être plus encore à New York. Comment toi tu vis cette situation? Bon, là, ça fait presque un mois que, heureusement, je travaille chez moi. Mm-hmm. Et bon, je ne sors pas. Heureusement, j'ai deux chats. Donc, ça va, mais je travaille chez moi. Et c'est vraiment bizarre parce que tout la rue, c'est il n'y a personne. Et c'est pas New York, ça. Ouais. Bah, New York, c'est la ville qui dort jamais. Et là, du coup, la ville s'est endormie. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, il y a quand même un moment important. Alors, je vais te faire écouter en espérant que ça passe. C'est à 7h du soir, dans la ville de New York. Les gens se posent à leur fenêtre ou au balcon. Et du coup, on peut entendre ça. Voilà, je sais pas si on entend correctement, évidemment, les gens qui applaudissent, qui font du bruit, et puis cette musique qui retentit là pour le coup, Frank Sinatra, qu'on entend habituellement un peu après minuit sur Times Square au moment du Nouvel An. C'est un moment fort, cet hommage qui est rendu au personnel, aux travailleurs essentiels. Ah Alors, New York, c'est une ville qui est dure en temps normal déjà. Et là, il faut bien imaginer que du jour au lendemain, il y a quand même des millions de personnes qui se sont retrouvées absolument sans aucune ressource, qui ont été licenciées. Et surtout dans l'impossibilité de travailler, de retrouver un travail. Ouais, c'est dur. C'est vraiment dur et surtout c'est triste. Mmh. Et on n'a pas le... je ne sais pas si je peux dire ça, mais je n'ai pas trop confiance dans notre président non plus. Donc c'est ça aussi qui est un peu plus difficile. Ouais, alors justement, au niveau politique, il y a véritablement des oppositions. Et peut-être celui qui s'oppose le plus, qui est un peu l'antithèse de Donald Trump, c'est votre gouverneur, le gouverneur Andrew Cuomo. Ah, ça, c'est mon mec. C'est mon mec. Je peux te dire que moi, je n'écoute pas mon président, mais chaque jour, j'écoute Cuomo. Ouais. C'est personne que, j'ai un peu plus confiance. Et oui, c'est tout. Mais j'écoute lui, il me dit reste chez moi, donc je reste chez moi. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Et dans une situation comme ça, pour moi, ça augmente le fait que les États-Unis. On n'était pas prêt pour quelque chose comme ça au niveau du, comme tu as dit, le chômage, la nourriture et aussi au niveau de santé. Mmh. Même avant ça, c'est cher d'avoir insurance pour la santé. Et maintenant, c'est encore plus dur. Ouais. Puisque, évidemment... Il y a beaucoup de gens qui peuvent souffrir, qui souffrent en fait. Ouais. Tous les tests, par exemple, pour se faire dépister sont payants et c'est très cher. Ah oui. Mais moi, je paye chaque mois et c'est une partie de mon emploi qui paye. Ouais. Et l'autre partie, c'est moi qui paye et c'est cher. C'est pas comme en France. ça, je m'en comprends. C'est iconique. C'est New York et il a un grand message about. Coming through. One of the lines in the song is, come on, come through New York. And that's where we think everybody's at right now. So that's the reason we picked the song. It's, you know, beloved, it's well known. If you don't know the words, you can sing along just the parts you do know. J'aimerais qu'on parle aussi d'un texte que j'ai lu. C'est un édito du New York Times. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu, le texte a pas mal tourné sur les réseaux sociaux aussi, d'un éditorialiste qui s'appelle Roger Cohen, mm-hmm. qui dit « Come back New York, all is forgiven ». Est-ce que tu l'as vu ce texte ? Non, je n'ai pas vu. Alors, texte très fort, je ne vais pas le lire en entier, mais très rapidement. Okay. Ça commence comme ça. « I forgive you, New York. I forgive you, your snarl, your aggression. I forgive you, LaGuardia, and your summer stench of uncollected garbage. I forgive you, no cabs in the rain. I even forgive you, the Mets, and no place to park, and delivery trucks in the bike lane. » Donc, s'en suit comme ça, une longue liste comme ça des choses qu'on déteste dans cette ville, Catherine, dans ta ville, et puis qui fait finalement qu'on l'aime aussi. Et puis, il termine en disant « Being a New Yorker, I was in a hurry. You get that. Please forgive me. Please forgive us all. Just come back. Just return, please. I know we can make a deal. » C'est beau, hein, comme texte. C'est très fort, finalement. Voilà. Quand on se rend compte qu'on n'a plus ces choses-là, même des choses comme ça qui nous énervent au jour le jour, finalement, elles nous manquent. C'est vrai. I would do anything to go into the train right now. I would do anything to take the train to go into Manhattan. Ouais. Et c'est vrai, chaque matin, je pense ça saoule parce qu'il y a millions de personnes, il fait chaud, il fait froid. Mais il a raison, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Moi, ça me manque les bars, ça me manque même le son de tout. Ouais. C'est fou.